lancés partout, des serpentins en reprenant le refrain, et s'embrasser devant un témoin sous le gui ou dans les coins. Tu auras un certain petit frisson dans le dos en voyant le sapin décoré et rempli de cadeaux. Jusqu'au